Carly, Inizio degli Inizi, vous êtes pas prêts. Sanctum, on vient vous enterrer. Mais tu t'aurais, mon pote. Faut-il craindre ma technique? Coup de pied dans ta tête, je te nique. Technique funeste, je viens t'enterrer. Comme ta carrière, elle a fini enterrée. Pas là pour pratiquer complaisance. J'aime bien quand tu fermes ta gueule du silence. Je réécris les fleurs du mal. Tes spins ne sont pas assez transcendants. J'ai cassé ton flow, t'as bien mal. Tu feras gaffe, je crois qu'il te manque une dent. Je ne fais pas du sale, je ne fais que du son. À ta carrière, je viens y mettre de l'ombre. Tu pensais dépasser mon flow? J'ai bien ri, t'es passé pour un rigolo. La faucheuse est mon amie, je viens l'aider. Je raccourcis ta vie, pas là pour plaisanter. En deux secondes ton flow peut finir éventré. Tu n'as pas respecté les règles, papa n'est pas content. Ta tête finira écrasée sur le ciment. Pigeon et aigle ne se mélangent pas. Venu aspirer tout ton chakra. La tension monte comme dans les rues de Guyane. Tire sur mon pilon, prends de la Marie-Jeanne. Tire sur mon pilon, prends de la Marie-Jeanne. J'espère que t'as retenu la leçon. J'en ai maté plus d'un petit pont. Comme un certain Ben Laden, tu finiras dans l'océan. Je fréquenterai le jardin d'Éden. On rigolera, ça sera marrant. Tu penses mon flow, c'est pour ça que t'as cru que t'es chaud. Peu de diversité comme dans ton équipe. Je sors un EP et je te pique. Ton album, période glaciaire, façon Inuit. Je remercie Dieu, j'ai une chance inuite. Crois pas que dans ce rap, je t'as de l'importance. Pour ta carrière enterrée, mes condoléances. J'ai beaucoup donné sans jamais recevoir. Demande à ta meuf, elle ne peut plus rien y voir. Tu es, tu seras comme braconnier d'ivoire. Je te conseille d'aller faire dodo, car il est tard. C'est pour mes ennemis qu'ils ont inventé le paratonnerre. Claquement de doigts, apparition chien berbère. J'écris avec la main du diable. Je représente le rap de façon honorable.